Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle du film Fame, voici l'original en DVD. La vie de 6 étudiants de la High School of Performing Arts of New York, une école publique qui forme au métier du spectacle. Bruno, un passionné de musique électronique, Leroy, un danseur dont le talent n'a d'égal que l'insolence, Doris, arrivée ici sous l'impulsion d'une mère abusive, Ralph, un jeune acteur portoricain, Montgomery, artiste psychologiquement perturbé, et enfin Coco, une danseuse qui rêve de devenir la meilleure. Baby, look at me. Fame, le fabuleux film d'Alan Parker avec Irene Cara en DVD Warner Home Video.